Ça mange en rap, j'ai plus de voix. J'ai mal à la tête des fois. Quand tu m'auras pas deux fois, ça y est, j'ai tout compris. Fort au bon Dieu, je crois. Ils peuvent parler de moi. Que ça dit n'importe quoi. Je n'écoute plus les rondis. Toujours ma doudoune. Sur mes tu dors. Mais tu crois que t'es qui? Tu es plein de gigi. Et faire le saut, j'essaie. Ils m'ont beaucoup blessé. Je fume quand je suis stressé. Moi, je suis toujours pressé. Sous les plaquettes, veste, question. T'as de haut clé dans l'RS3. Et quand je passe avec la Honda, ben les jaloux, je leur fais des droits. Sous les plaquettes, veste, question. T'as de haut clé dans l'RS3. Et quand je passe avec la Honda, ben les jaloux, je leur fais des droits. Pas là, mais mon cœur y est. T'étais là quand ça n'allait pas. Je serai fidèle comme un guerrier. Tu dis que les gens c'est des bâtards, mais ces bâtards ils t'ont aidé. Toute la journée tu parles bagarre. Tu disparais quand il faut sauter. La roue va tourner gauche le sang. Ils reviendront en me disant le sang. Ils aimeraient stopper ma progression. Changer la direction du vent. Sous les claquettes, veste, question. Tarte de haut clé dans les restos. Et quand je passe avec la Honda, ben les jaloux je leur fais des doigts. Sous les claquettes, veste, question. Avec la Honda, mais les jaloux, je leur fais des doigts. Toujours dans le top, le sang. Allô, maman. Toujours dans le top, le sang. Allô, maman. Je fais le pétou, le genre le mou. Je recompte mes sous, la vie mes sous. Sur les plaquettes, veste, question. T'as de haut clé dans les restos. Et quand je passe avec la Honda, paire de haut clé dans les restos. Et quand je passe avec la Honda, ben les jaloux je leur fais des doigts. Sur les claquettes, veste, question. Paire de haut clé dans les restos. Et quand je passe avec la Honda, ben les jaloux je leur fais des doigts.